vite du moment intensément. Et maintenant, je suis si présent. Je profite du moment présent. Je profite du moment présent.